Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Label Rock. Sébastien Agas aux commandes de ce programme avec justement au menu 2 heures de nouveautés, mais aussi quelques disques poussiéreux, quelques classiques dans cette émission. On va commencer tout de suite avec de la musique festive, un extrait du nouvel album de Bostitch et Fusible, des producteurs que vous connaissez peut-être sous le nom de Nortec Collective. 5 ans après leur dernier album, les revoilà de retour, toujours avec la même fascination pour leur ville de Tijuana. Ambiance mexicaine et festive donc pour commencer cette émission, avec une dédicace spéciale pour la personne co-responsable de la programmation. Elle se reconnaîtra. Voilà, merci. Allez, on écoute, c'est parti. Bostitch et Fusible dans Label Rock, ça s'appelle Punta Benda. Ambiance mexicaine et festive avec une petite touche d'électro pour commencer ce programme Label Rock. C'était Bostitch et Fusible. Je vous rappelle que le nouvel album est disponible et que c'est vachement bien. Allez, on va rester dans cet esprit joyeux de fête. On va quitter le Mexique, on va partir du côté de la Suède, même si le groupe s'appelle I'm From Barcelona. Aucun signe de la ville espagnole. En tout cas, premier single tout de suite tiré du nouvel album des Suédois joyeux de I'm From Barcelona. Je vous rappelle, c'est un groupe donc suédois connu pour avoir 29 membres et un mélange étonnant d'instruments tels que la clarinette, le saxophone, la flûte, la trompette, le banjo, l'accordéon, etc. Voilà, troisième album intitulé Forever Today, ça va sortir très prochainement chez Mute, un album enregistré quasi en live en studio et qui prouve une fois de plus l'excellente vitalité du groupe suédois avec une osmose totale, qu'elle soit instrumentale ou vocale. De l'excellente pop avec une ambiance printanière, ça tombe bien, c'est tout de suite dans Label Rock. We don't want to get in line. something moving around inside everyone. Oh yeah. Oh, la Suède encore et toujours avec I'm from Barcelona, extrait du nouvel album Forever Today. Et puis à l'instant, peut-être une des révélations pop de l'année 2008, de retour en 2011 avec un nouvel album qui s'appelle Wanted Rhymes. Elle s'appelle Licky Lee et elle a toujours autant de pêche, hein, cette jeune artiste. Musicalement, franchement, c'est bien fait, avec des percussions quasi tribales, des touches de clavier rétro et des tempos rapides, mais souvent très accrocheurs. Beaucoup de mélodies, hein, sur cet album de Licky Lee. L'album donc disponible chez Atlantic Warner. On laisse la Suède, on part du côté de l'Angleterre avec une nouveauté chez Stolen Recordings. Nouvel extrait du prochain album des Pete and the Pirates. Le single s'appelle United. Il sortira le 16 mai prochain. L'album, lui, une semaine plus tard. Oh, well, you look so reckless, cool, but your tongue is... Somebody la pop comme on l'aime dans la Belle Rock, avec l'Angleterre à l'honneur pour commencer. Nouvel album pour Pete and the Parrots. L'album s'appelle 1000 Pictures. Il sortira le 23 mai prochain. Une semaine avant, il y aura le single qu'on s'est écouté qui s'appelle United. Et puis à l'instant, une autre nouveauté. On était parti du côté de la Finlande avec les Finlandais de Rubik. L'album lui s'appelle Solar, disponible chez Talitres depuis le 4 avril. Je vous rappelle que si vous êtes fan du groupe, il y a une mini tournée française qui aura lieu au mois de mai. Le 22 mai, ils seront au Café de la Danse à Paris. Le 25, à la Carène de Brest. Le 26, ils feront partie du festival Europa Vox qui se déroulera à la coopérative de mai. C'est à Clermont-Ferrand. Et enfin, le 30 mai, ils termineront du côté de Toulouse au Saint des Saints. Belle collaboration maintenant dans la Belle Rock pour le compte du label Platinum Records. D'un côté, on a le français Rubin Steiner et de l'autre, le canadien Ira Lee. L'album s'appelle We Are Future, avec comme thème imposé de la danse, du hip-hop, de la musique et de la spontanéité. Mission accomplie sur ce disque, puisque Ira se charge du chant et Robin de l'emballage musical. Un emballage très varié, puisqu'on retrouve du hip-hop, du jazz-rock, de la soul, du rock et de l'électro. Bref, vous avez compris, c'est un album qui mérite un investissement et qui comblera sûrement tous les fans de Robin Steiner et tous ceux qui aiment leur musique pas comme les autres. Démonstration en musique, ça s'appelle Style et l'album lui c'est Robin Steiner et Ira Lee. La Belle Rock. Hardcore, new wave, weirdo, eclectic, punk rock, disco, boogaloo, electric, two-step, 8-bit, adult, alternative, ambient, afrobeat, J-pop, experimental, Arabic, Brazilian, big band, calypso, Celtic, fusion, barbershop, Miami bass core, bar dance, Christian, Batcave, classical, beatbox, bebop, benga, bangra, ragamuffin, blue-eyed soul, Americana, bit pop, bouncy, techno, boy band, bossa nova, bohemian, dub in the club, the best, that's my style, big mistreats, you can't trust my smile, in the meanwhile, I'm liable, I will freestyle the Bible, earful, Eiffel, boogie woogie, boy band, klezmer, breakcore, brick funk, bubblegum, acid jazz, cha-cha-cha, Chicago blues, disco, black metal, chamber music. Aiming, do it, and taking a shot. I think I'm dope, so I'm probably not. Ticket to the top is non-refundable. Hipping on the hop, on the drop, it's wonderful. I'm a hunter full of rainbow blood. My records on records are a record of love. Career made of hits and misses, X's and O's and hugs and kisses. I make music to make you dance, masturbate like cheap romance. Way too drunk to wake up without pants. Give me a break if you won't give me a chance. Another day, another cash advance. Chilling in a cape in a b-boy stance. Water the plants and mustache hands. Rip it real good and do the same. Dance. All you bananas and backwards bandanas, fruit poops and new suits and blue spandex, man sex and it's wood on wood, currently being done but nowhere near as good in the nearest hood, with the coolest hair, break into your car and take a poop in there, yes I rap, yes I rock, pigeonhole me homie whether you know me or not, style is my bitch, music's my cock, I fuck all night till I can hardly walk, ready or not, here I come, your neon black, platinum, raps that supersede the genre, short a couple crayons like a kid from Rwanda, fat like your mama, like Eric loves Donna, go tell Vincent, Ian, Turtle, and Drama. High on life in a crack pipe full of marijuana. Doing push-ups at the beach, eating moldy peaches in the sauna. To each what they wanna, to each what they wanna. Flora and fauna, my style is all styles, every last one comma. Because I'm too weak to budge, too meek to stand. We need less rappers and more rap fans. Never gonna make it, never gonna understand. Naked with a fake tan, chillin' in the back of the rape van. Greater than mistake, man, harder than fall. Liver than wildfire, eye of the tiger is all. I have no particular confine. Unrestricted when I kick it, you're on mine. No defining characteristics. Styling on you with the new stylistics. Way too complex with the concepts. You better stay home alone for long sex. Mathematically incompatible, inconceivably incomparable, unidentifiable phenomenon, unlimited hominoms here to comment on. Too distinguished and distinctive, undebatable, unfadable, artistic, way too phonetical, alien alphabetical. You could say genius, but what I mean is incredible. Mathematically incompatible, inconceivably incomparable. I'm terrible, so be careful, thief. Bite my style, it'll break your teeth. Unwearable, like an itchy wool scarf. You regurgitate, like a vermin ain't barf. Colossal, hostile, awful, a jawful. Tasting unkempt, unlawful. Amazing, flexing, inflection. I'm a steroid freak that's losing my mind. Abusing the beat. I have no particular confine. Unrestricted when I kick it, you're on mine. No defining characteristics. Styling on you with the new stylistics. Way too complex with the concepts. You better stay home alone, let's be honest. honest mathematically incompatible, inconceivably incomparable. Dark wave, cello rock, film score, doo-wop, doomcore, industrial, freak, folk, gangster, girl group, ghetto, tech, hip life, horrorcore, jam band, jitterbug, Jesus music, Nashville G-funk, no wave, classical, Nordic, new soul, oriental, parody, psycho, billy, peace, punk, queer, core, rare, groove, ragga, jungle, rock, steady, shoegaze, speedcore, soundtrack, space pop, square dance, negro, spiritual, vaudeville, tech house, world beat, zydeco, euro pop, square dance, straight edge, stoner metal, Sharankan, power ballad, sea chanty, screamo, Scottish, baroque, anime, anti-folk, black metal, ballet, art rock, breakbeat, bubblegum, cakewalk, British invasion. I have no particular confine, unrestricted when I kick at your own mind. No defining characteristics, styling on you with the new stylistics. Way too complex with the concept, you better stay home alone for bomb sex. Mathematically incompatible, inconceivably incomparable style. Ruben S. and I Lee, they got style. Ruben S. and I Lee, they got style. Robin Steiner et Ira Lee dans Label Rock, excellent album We Are Future disponible chez Platinum Records. Et puis à l'instant dans Label Rock, une rareté que j'ai trouvée sur une compilation parue il y a quelques années chez Low Recordings, signée par Luke Viber. C'était un groupe, un duo de la musique de production comme on appelait à l'époque, signé par Epstein et Kraman. Le titre c'est Turkish Delight et je peux pas vous dire autre chose puisque je ne possède aucune information sur ce duo. Par contre, je possède des informations sur le prochain groupe. Il vient de Seattle, il s'appelle Telekinesis. C'est de la très bonne indie pop américaine, un petit peu dans la lignée de Weezer et Pavement. Nouvel album, 12 Desperate Straight Lines. Un extrait, ça s'appelle You Turn Clear in the Sun. Let's start over. ragged heart. Watch those fools run, watch those fools run. They tear apart their ragged hearts. We said we would keep our heads today. Indé et la pop en général, toujours à l'honneur dans Label Rock Telekinesis du côté des États-Unis. L'album s'appelle donc 12 Desperate Straight Lines. Et puis à l'instant, retour à la pop anglaise comme on l'aime. Direction Sheffield en Angleterre avec un tout jeune groupe du nom de The Crooks. Je vous avais annoncé d'ailleurs qu'il fallait les surveiller de près en 2011. Et ben le présage est arrivé puisque l'album lui aussi chez Fierce Panda, il s'appelle Chasing After Ghosts et franchement ça me rappelle un petit peu la voix de Morrissey sur certains morceaux, en tout cas mélodiquement c'est vachement bien. The Crooks donc dans Label Rock. On va revenir en France avec une petite particularité quand même finlandaise puisqu'il me semble que la chanteuse est finlandaise, elle s'appelle Olivia. C'est le retour du duo de Do, un nouvel album dans la continuité de leur premier album A Mouthful qui était sorti sous souvenez-vous en 2008 et qui avait eu beaucoup de succès. Au programme de ce second opus, toujours cette pop folk soignée et inventive avec la voix habitée d'Olivia. La preuve en musique maintenant, on s'écoute Dusted Off, un chouette moment folk qui rappelle étrangement une certaine Björk. Dreaming. Chamanique pour The Do avec Dusty Duff, et puis à l'instant l'ambiance unique et sensuelle du trio canadien Timber Timbre. Folk, blues, rockabilly au ralenti avec des ambiances qui me rappellent un petit peu celles de David Lynch et son compositeur fétiche Angelo Badalamenti. Souvenez-vous de ces ambiances un petit peu dans Sailor et Lula et Twin Peaks. L'album de Timber Team s'appelle Creep On, Creeping On et c'est un coup de cœur ce mois-ci. Coup de cœur pour Label Rock. Autre coup de cœur, premier extrait du nouvel album d'un groupe que j'ai découvert il y a 3 ans et dont le premier album avait fait d'ailleurs le top 10 des albums de l'année dans ce programme. Le groupe s'appelle Dengue Fever, ils viennent de Los Angeles, ils ont la particularité d'avoir une chanteuse qui est cambodgienne, ils font de la très bonne pop et franchement je les adore. Nouvel album qui va sortir prochainement et qui s'intitule Cannibal Courtship, le premier single lui s'appelle Cement Slippers. Label Rock, avec Sébastien Agas. Well, I wasted the morning and most of the afternoon. Well, I wasted the morning and most of the afternoon. Well, I tried to get some work done, but that ended way too soon. Well, I'm standing on the street, I stood many times before. Well, I'm standing on the street that I've stood many times before. The number 20 bus zooms by, and I did walk across to the liquor store. There's a lover's eating ice cream, a dumpster diver digging through the trash. There's a lover's eating Toledo ice cream, a dumpster diver digging through the trash. I lay some flowers on gravy street, picked from my own private stand. By pink boring. I'm gonna escape from the crowd, watch the sun go down in the sky. I'm gonna escape from the crowd, watch the sun go down in the sky. Yeah, New York, you may be the big apple, but these fans let my meringue pass. Dengue Fever de Los Angeles pour commencer cette petite série de nouveautés. Et puis à l'instant, un extrait du nouvel album de l'américain Sierre Avery pour le label bordelais Platinum, décidément très actif en ce moment. L'album s'appelle So It Goes et je suis en train de lire le communiqué de presse du label qui définit l'artiste comme un bandit hip-hop, joueur d'harmonica, un poète beatbox, un joueur de piano punk et un matador de rock'n'roll. Tout ça pour vous dire en gros qu'on a affaire ici à un sacré gaillard. Côté musique, attendez-vous à du blues, du hip-hop, du slam et du rock. Franchement, il y a pire comme programme, non ? You can't stand me now. Can't stand me now, can't stand me now. Can't stand me now, can't stand me now. Can't stand me now, can't stand me now. Can't stand me now. Start to twist and tore our love apart. Feel our finger through the dark. Shine the lamp into the darkness to cast us. Oh, now you got to roll around. You shut me up. you can't stand me now. You can't, no, you can't stand me now. Have we done enough to keep it together? Are you just keep on pretending and hope our luck is never ending? I wasn't feeling too clever. Try, there ain't no worse you could do. Uh-oh, I know you lied, all you do is make me cry. All these words, they ain't true. I'll take you anywhere. I can take you anywhere. I'll take you anywhere. I can take you anywhere. I can take you anywhere you wanna go. You can't stand me now, you can't stand me now. You can't stand me now, you can't stand me now. You can't stand me now, you can't stand me now. You can't stand me now, you can't stand me now. You can't stand me now, you can't stand me. C'était le petit moment rétro de cette émission avec une reprise en mode doo-wop du Can't Stand Me Now des Libertines pour commencer. C'est sur le nouveau single des Chicross, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement numérique légal. Évidemment, deux titres sur ce single, Within You, qu'ils interprètent d'ailleurs avec la chanteuse Brisa Rocher, et en face B donc de ce nouveau single, les Chicross qui reprennent le tube des Libertines Can't Stand Me Now. Et puisqu'on parlait de doo-wop, peut-être à l'instant la chanson la plus culte de tous les temps dans ce style musical, There's a Moon Out Tonight des Caprice dans les années 50, évidemment, franchement un classique qui fait du bien, par où il passe de temps en temps. Allez, on met le turbo, on accélère, direction la boîte de nuit.

Thank you.

de la très bonne Boom Boom dans ce programme Label Rock avec la sortie numéro 4 du label allemand CLR, deux morceaux signés par Lucy et Xin, des producteurs électro allemands qui font de l'excellente techno comme d'habitude sur ce label CLR. Tiens, puisque on parle d'électro, j'ai eu l'occasion de réécouter dans une pub à la télé récemment un morceau qui était sorti en 1999 fait par Jason Nevins qui samplait du Run DMC, ça s'appelle It's Like That et j'ai envie de vous le mettre ce soir dans la Belle Rock. Voilà, Run DMC versus Jason Nevins, ça s'appelle It's Like That, souvenez-vous, c'était en 1999, je suis sûr que vous avez dansé là-dessus. And it goes a little something like this. Oh! souvenir de 1999, donc Run DMC, remixé par Jason Nevins avec un titre qui avait cartonné à l'époque, ça s'appelait It's Like That. Retour aux guitares dans ce programme, retour en 2011 avec un tout premier album pour un groupe anglais en provenance de Stockton-on-Tees en Angleterre. Après plusieurs mois de travail acharné, d'après le groupe, voici qu'arrive l'album Burn Your Town. L'album est excellent, le groupe s'appelle The Chapman Family, beaucoup de compositions punk rock et des textes assez sombres quand même. Et mais on retrouve ces bonnes guitares noisy old school, franchement ça fait pas mal de bruit, mais qu'est-ce que c'est bon ce bruit. The Chapman Family tout de suite dans la Bell Rock, ça s'appelle All Fall. Start a fight. Where you should Nouveauté rock en provenance d'Angleterre de Chapman Family pour commencer All Fall. L'album, je vous rappelle, s'appelle Burn Your Town. Il est disponible depuis quelques jours. Et puis, en attendant la parution de leur nouvel opus en juin prochain, les Arctic Monkeys qui préparent le terrain en sortant leur single Don't Sit Down Cause I've Moved Your Chair. L'album sortira le 6 juin prochain. Quatrième album hein, d'ailleurs pour les Arctic Monkeys. L'album s'appellera Suck It and See. Quelques précisions, apparemment enregistrées en mode vintage à Los Angeles en Californie avec le producteur James Ford. C'est le producteur de Simian Mobile Disco. Don't Sit Down Cause I've Moved Your Chair. Donc cette chanson hein, qui est parue en édition limitée à 1000 exemplaires en vinyle il y a quelques jours, c'était à l'occasion du Record Store Day. Sachez aussi qu'à partir de mai prochain, les Arctic Monkeys vont partir en tournée pour faire la promotion de leur nouvel album. Il y aura beaucoup de concerts aux États-Unis, mais il y aura quelques concerts du côté de la France, notamment le 3 juillet prochain, ils seront aux Eurockéennes de Belfort. Le 11, ils seront aux Nuits de Fourvière à Lyon. Et ils termineront le 28 août, ils reviendront du côté de Saint-Cloud pour le festival Rock en scène. Voilà, Arctic Monkeys, nouvel album, il faudra patienter donc début juin. La Belle Rock. Unity in Africa, now what thing would they want? Unity in Africa, now what thing would they want? Unity in Africa, now what thing would they want you? Unity in Africa, now the thing would they want? Gas a walk, now what thing would they want you? Unity in Africa, now what thing would they want? Unity in Africa, now the thing would they want? Unity in Africa, now the thing would they want? Gas a walk for cash a con. Ambiance africaine dans Label Rock sur le label Struts. Le retour pour la troisième fois de leur série consacrée au Nigeria dans les années 70. Troisième volume donc. La compilation s'appelle Sweet Times Afro Funk, High Life et Juju from 1970s Lagos. Au programme Soul Funk Disco, et rock revue et revisité par les meilleurs artistes africains en provenance du Nigeria. On retourne du côté de l'Angleterre, on laisse la musique du monde, on retourne aux guitares ou électro-guitares on va dire. C'est sur le label pop anglais Fortuna Pop, les tarés de Norwich, les Bersuits. L'album s'appelle The Phantom Forest, nouveau single qui s'appelle When Will I Be Your Queen. This funeral's a drag. The time has come for feathering the nest. This kingdom's on the rocks. But I'm the only one. I'm the one that tells it. Minutes toujours le même disque à la radio. 5 minutes toujours le même disque. La Belle Rock. La Belle Rock. Deux heures de son. Et du gros. Et du gros. Son. You're gonna break me. You're gonna hate me. You're gonna sink that sudden death suddenly. Ooh, baby, everything is wrong. You think I'm pretty sick? No one is such a prick. You just can't imagine it's a trick I adore. Ooh, baby. Standing, I'm outstanding. No one après la pop barrée de Bersoud sur leur nouvel album disponible chez Fortuna Pop, les Catalans des Hush Puppies qui se lâchent sur leur troisième album. L'album s'appelle The Bipolar Drift. Il est disponible depuis fin mars avec une ambiance krautrock et des influences new wave. C'est nouveau ça pour les petits gars de Perpignan, les Hush Puppies. On reste en France dans Label Rock avec le groupe La Phase, nouvel album chez Because, le quatrième album pour être précis. Il s'appelle Psalms and Revolution, il sortira le 18 avril prochain et c'est très très bon. On est en train de m'envoyer des textos pendant que j'enregistre cette émission, bah pourquoi pas, voilà. Allez, toujours ce mélange puissance de dance music et de rock'n'roll, La Phase, Psalms and Revolution, c'est le titre de l'album, c'est aussi le titre qu'on s'écoute tout de suite. I love you. Avec le groupe La Phase, Psalms and Revolution pour commencer, quatrième album qui est sorti le 18 avril chez Because. Et puis à l'instant, une énorme surprise sur le label Big Dada, un label qui nous avait toujours habitué à un son hip-hop assez rêche et assez barré. Et bien là, sur cette nouvelle sortie, on reste dans le rêche, mais on sort surtout les guitares. Le groupe s'appelle Paris Suit Yourself, trois Bordelais et un Américain. Dans ce projet, il y a un album qui s'appelle My Main Shit Stain, et ça c'était le nouveau single qui s'appelle Lost My Girl. C'est bientôt la fin de cette émission, on va ralentir un petit peu le tempo et on va retourner du côté de l'Angleterre et de l'Australie avec un maxi 5 titres paru sur le label Host Records. Le maxi s'appelle Sort of Debulation Think Dubs, il est l'œuvre du projet Sideshow, remixé pour l'occasion par l'artiste Fink, l'artiste de chez Ninja Tune. Tout ça franchement c'est excellent et c'est disponible dès à présent, donc je vous rappelle, sur le label Simple Records, sous-division de Host Records. Sideshow dans la Bell Rock, ça s'appelle Dub It All. Step further, one step more. Funk, pop, soul, label rock. Thank you. De mes albums chouchou du moment, le titre Time for Us, c'est signé par le jeune prodige américain Nicolas Jaar. L'album s'appelle Space is Only Noise, tout premier album, hein, il a seulement 21 ans. Et franchement, le résultat, c'est une musique diablement envoûtante. C'est profond, c'est mûr, avec un tempo toujours lent, très travaillé, mais surtout beaucoup, beaucoup de sensibilité. C'est disponible via La Baleine en France sur le label Circus Compagnie. Un petit peu de musique classique, tiens, tout de suite. Sometimes I don't know what to say. At times my words are just too plain. These feelings can get all so strange. I wish that they would go away. Why did love have to hurt so good? I'm treading on some vicious I'm treading on some vicious moods. Think and pray for you. Après l'excellence de son dernier album Impermanence, Agoria de retour avec un nouveau maxi. C'est le morceau Heart Beating en featuring avec la chanteuse Kidé qui est mis à l'honneur pour un maxi composé de 4 remixes signés par John Roberts, Argy Tension, Fraction et tout de suite une version instrumentale et orchestrale qu'on vient de s'écouter signée par l'artiste Sylvain Chauveau. C'est quasi terminé. Plus qu'un morceau dans cette émission de Label Rock. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez découvert beaucoup de très bonnes choses. Je vous rappelle que sur le blog, hein, il y a les liens vers les sites MySpace de tous les artistes que j'ai diffusés. N'hésitez pas à aller découvrir d'autres morceaux de ces artistes et surtout à investir un petit peu pour les faire vivre. Franchement, tous les albums sont excellents et vous n'aurez aucun regret. Allez, on se quitte cette semaine avec le label de Munich, Compost Records, et une sortie intéressante avec l'anglais Joash. C'est un producteur londonien, il me semble, passionné par la techno de Détroit, mais il adore aussi le jazz. Le résultat de ses influences se trouve sur cet excellent disque qui rappelle un petit peu l'univers de Cinematic Orchestra, avec ce mélange de cordes, de synthé, de sonorités électroniques et de breakbeat qui fonctionne à merveille comme chez Cinematic Orchestra la plupart du temps. Joash, donc, l'album s'appelle Don't Fear It, Fight It, et c'est avec ça qu'on se quitte cette semaine. Je vous retrouve dans une prochaine émission très prochainement de Label Rock pour encore et toujours de la musique pas comme les autres. Passez un excellent week-end, soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao. Goodbye. Label Rock, 2 heures de son pas comme les autres.